بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 56 بعد 156 لسون. قال المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال 20400 بعد 1420 question. ما جزاء الإحسان إلى البنات؟ Maintenant quelle est la rétribution de celui qui est bienfaisant envers les filles, celui qui aura eu des filles et qui a été bienfaisant envers elles, car vous savez que les Arabes auparavant n'aimaient pas les filles et les enterraient vivantes à la naissance. Donc là, il est venu une annonce d'une bonne récompense pour celui qui, justement, sort de cette pensée qui est malsaine et mauvaise, et qui s'oppose à celle de l'islam. Quand là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait hadith Aïcha, « Man ubtuliya min al-banat bishayin fa arsana ilayhinna kunna lahu sitran min al-nar » qu'il a dit, Nabi sallam, que celui qui était éprouvé par des filles, d'accord, mais qu'il est bienfaisant envers elles, elles seront une protection pour lui du feu. Muttafaqun alayhi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait 6 enfants. Et parmi ces 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Ces 2 garçons sont morts en bas âge et il a eu ses 4 filles. Donc que dire de cela? Donc cela est une bonne annonce. D'accord? Cela est une bonne annonce. Thumma qala fi su'al al-thalith wa 20 wa 400 wa 1423e question. ماذا يفعل المسلم إذا هم بالأمر؟ كذا فعل المسلم لما يريد أن يأخذ قرارًا مهمًا. نفعل في صلاة الاستخارة. في السؤال التالي يقول: اذكر كيفية صلاة الاستخارة. سيت كما يصف هذه صلاة الاستخارة. لذلك في صلاة الاستخارة كما في حديث جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا Et la salat istikhara, on précise, elle ne se fait que pour une chose qui est... elle ne se fait pas pour une obligation. Elle se fait pour une chose qui est permise. Une obligation, il n'y a pas à faire istikhara. Tu fais la chose telle qu'elle est. D'accord? Tu fais la chose. Là, c'est une chose permise dans laquelle on se dit, est-ce qu'il y a un bien pour nous ou pas? Comme le mariage, comme un commerce, comme, je ne sais pas moi, tu as le choix entre deux choses, laquelle est la meilleure pour toi, et ainsi de suite. D'accord? Wa akada. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la consultation en toute chose comme nous apprenait une sourate du Coran. Fayaqul idha hamma ahadukum bil amr fayarka rak'atayn min ghayr al farida. Que si l'un d'entre vous prend une décision alors qu'il fasse 2 rak'at en dehors des salats obligatoires. C'est-à-dire n'importe quelle salat surrogatoire, il fait 2 rak'at. Thumma yaqul Allahumma inni astakhiruka bi 'ilmik. Qui dit oh Allah, je te consulte par ta science, wastaqdiruka bi qudratik, ou je demande la capacité par la tienne. وأسألك من فضلك تلمن بارتا غراس العظيم فإنك تقدر ولا أقدر car certes toi tu es omnipotent alors que moi je ne peux faire les choses وتعلم ولا أعلم et tu sais moi je ne sais pas وأنت علم الغيوب tu connais l'invisible اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو كل عاجل أمري وآجلي فقدر له لي ويسر له لي qu'il a dit oh Allah si jamais tu sais que cette chose là est un bien pour moi dans ma religion et dans ma vie de ce bas monde. D'accord? Et pour la fin de ma vie. Et ainsi de suite. Alors, rends-la moi possible. Et facilite-la moi. Et ensuite, accorde-moi ta baraka dedans. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌ لِي فِي دِينِ وَعَمَعَشِي وَعَقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي أَعَجَلِ أَمْرِي وَأَجَلِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْلَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْدِنِي ثُمَّ قَالَ يُسَمِّي حَاجَتَهُ. Il dit, par contre, si tu sais que cette chose-là est un mal pour moi, dans ma religion et dans ma vie, hein, ainsi que pour ma fin, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. Et accorde-moi le bien là où il se trouve. Et fais en sorte que je l'accepte. Et ensuite, il nomme la chose qu'il veut. Il nomme son projet. Et également, il est demandé, dans cette salat istikhara, de demander conseil aux gens de confiance et aptes à conseiller et fiables. D'accord ? De conseiller, car le Nabi sallam conseille consulter ses sahabas dans ce genre de choses. Ensuite, tu fais istikhara, et après, tu vois ce qu'il en est. Après, tu vois ce qu'il en est. Naam. Thumma qala fi su'al as-sabi'a 20 wa 400 wa 1427e question. Limaza yabki shaitan? Pourquoi est-ce que shaitan pleure? Comme dans le hadith d'Abi Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, izikara ibn Adam sajadata fa sajada, i'tazala shaitan yabki wa yaqul, ya waylahu umira بني آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم. Qu'il a dit, النبي صلى الله عليه وسلم, que lorsque le fils de Adam lit le Coran et qui se prosterne, par exemple dans le Coran il y a une prosternation, un verset de prosternation, qui se prosterne, Shaitan s'éloigne et se met à pleurer en disant « Oh malheur, car le fils de Adam a été ordonné de se prosterner et pour cela il aura le paradis. Alors que moi j'ai été ordonné de me prosterner, j'ai refusé donc j'aurai le feu. » Rapporté par Muslim. Donc regardez le fogle de la prosternation. Cela fait pleurer Shaitan. Et également parmi des causes qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال في السؤال 28 و 1428 question. الذي مات وهو يقاتل على كلمات الله ما يسمى. Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, comment l'appelle-t-on? D'accord? Et qu'il se fait tuer, on l'appelle shahid, ce qu'on appelle martyr en français, un shahid, comme dans le hadith de Abu Moussa. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل ليكن كلمة الله العليا فهو في سبيل الله qu'il est dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم a été interrogé qui est celui à propos de l'homme qui combat par courage ou qui combat par fougue ou qui combat par ostentation lequel de ces gens là est sur le sentier d'Allah il dit celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus élevée c'est lui qui est sur le sentier d'Allah. C'est lui qui est sur le sentier d'Allah. Le hadith est mutakun alayh. Donc c'est ça le combat. Ce n'est pas pour la tribu, ce n'est pas pour les amis, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas par fougue. Au relais d'Alika, c'est pour que la parole d'Allah, le tawhid, soit élevé. Et également, il y a le combat du difar, de défense. Pour se défendre, parce que là, on les est. Il y en a, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kutila duna malif wa shahid, celui qui s'est fait tuer en défendant ses biens, il est martyr. ثم قال في سؤال 29 و 1429 question. اذكر بعض انواع الشهاده cite certaines formes de martyr. Donc parmi eux dans le hadith d'Abu Huraira قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسه les martyrs sont de 5 sortes المطعون والمبتون والعريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله qui les dit qu'ils sont celui qui est mort de la peste celui qui est mort d'une maladie qu'il a dans son ventre celui qui s'est noyé celui qui a été enseveli par une maison par exemple qui serait détruite sur lui qui est enseveli et celui qui est mort au combat muttafaqun alayh également dans une version il y a al-mar'a allati yujma'u tamutu bi jum'i la femme qui meurt dans ses lochis c'est-à-dire par l'accouchement également al-haliq celui qui est mort brûlé dans un incendie tout cela sont des gens qui sont considérés comme étant des shahid cependant ils n'auront pas les règles de celui qui est mort sur le combat. Celui qui est mort sur le combat, on ne fait pas la salade sur lui, on ne le lave pas, il l'enterre tel quel. Alors que eux, ils auront le statut du shahid dans l'au-delà, mais en ce bas monde, on les lave, on fait la salade sur eux comme à la normale. Mais auprès d'Allah Azawajal, ce sont des shuhada. Ce sont des shuhada. 1430e question. Est-ce que Allah pardonne ou martyr, celui qui est mort sur son sentier, toute chose. On dit na'am, sauf les dettes, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah yaghfirullahu li shahid kulla zanbin illa ad-dayn. Que Allah pardonne au martyr tous ses péchés, à part la dette. S'il a une dette, ça doit être rendu car la dette c'est le droit des autres. Rapporté par un musulman. Donc la dette, lorsqu'une personne. Un de nos frères est mort sur le bien, qu'on sait qu'il a une dette, que les gens qui veulent du bien s'efforcent de tenter de la rembourser pour lui. Car il se peut qu'il soit bloqué à cause de cela. Qu'il a fait un acte immense, grandiose, cependant cette dette qu'il aura fait en ce bas monde l'aura empêché de pouvoir arriver à l'aboutissement. Donc que les gens s'efforcent, d'accord, de l'aider, autant que possible s'ils le peuvent. Thumma qala, ma dalilu. في سؤال 31 و 1431 question. ما هو الدليل أن المسلم لا يكثر الحلف؟ Quelle est la preuve que le musulman ne doit pas jurer sans cesse? D'accord? C'est la parole d'Allah où il dit: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ et préservez vos serments. Et préservez vos serments. C'est-à-dire, on ne jure pas à tout va. Sourate al-Ma'idah, la table de service, verset 89. Le musulman ne jure pas à tout va. Car le fait de jurer est une chose qui est importante et jurer à tout va ferait minimiser et réduire de la valeur de cette chose-là. Et après, les gens ne te croiront pas si tu jures pour rien. Car le jour où tu jureras pour une chose importante, ils diront, sans toi, tu jures pour rien du tout à la base. Donc on ne te croit pas. Donc le musulman fait attention. Il jure que lorsque c'est vraiment important, lorsqu'on lui demande une chose qui est primordiale. ثم قال في السؤال الثاني وثلاثين وأربعمائة ألف في الكسرة 32 كيستيون من حلف على يمين فرا غيرها خيرا منها ماذا يفعل celui qui a juré qu'il ne fera pas une chose mais par la suite il voit qu'une chose meilleure est à faire comment doit-il agir qu'est-ce qu'il doit faire قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من حلف على يمين فرا غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل رواه مسلم celui qui a juré d'accord, par Allah, qu'il ne ferait pas telle ou telle chose, après qu'il voit que, justement, que faire cette chose-là est meilleure pour lui, alors qu'il rompe son serment, d'accord, et qu'il fasse l'expiation qui va avec, et qu'il fasse la chose qui est bonne. Bon, t'es pas musulman. Dans la question d'après, il dit justement, c'est quoi là, l'expiation, justement, de ce serment que l'on a fait? Et cela est ruiné dans le rapport d'Allah, par Allah, لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم qu'il a dit dans le sens que Allah ne vous prend pas pour ce que vous avez dit par distraction parce que des fois les gens disent wallah de façon distraite ça sort de leur langue sans avoir voulu faire un serment cela il n'y a pas de mal par rapport à cela cependant Allah vous reprendra par rapport à ce que vous avez fait par délibérément, le fait d'avoir juré délibérément en sachant avoir l'intention de remplir le serment. L'expiation de ce serment, c'est quoi? C'est le fait de nourrir 10 pauvres, de ceux dont on se nourrit nous-mêmes, d'accord? Pas leur donner de la vieille nourriture, ce qu'on mange pour nous-mêmes, on leur donne, d'accord? Ainsi que nos familles, ou de les habiller, ou alors de libérer un esclave. Et celui qui ne peut faire cela, alors qu'il jeûne 3 jours. Voici l'expiation de votre serment si jamais vous jurez. Al-Ma'idah, table servie, verset 89. Donc, en réalité, on commence par ça. Soit on nourrit 10 pauvres, soit on les habille. D'accord? Soit on libère un esclave. Et si on ne peut pas faire cela, ensuite on passe au jeûne de 3 jours. Car des gens jurent par Allah, ils veulent rompre leur serment et directement ils jeûnent. Non, on dit, il y a un ordre d'abord à faire. D'abord, si tu es en mesure de nourrir 10 pauvres, tu dois le faire, ou les habiller. Bon, l'esclave, aujourd'hui, il n'y en a plus. En cette époque. Et après, si mais tu ne peux pas, là, tu passes à l'étape du jeûne. D'accord? Là, tu passes à l'étape du jeûne. ثم قال في سؤال 34 و 434e question. من هو أول من أقسم بيمين كاذبا? Qui est le premier qui a juré, qui a fait un serment mensonger? Qui est-il? Il s'agit de Iblis, لعنه الله. في قول الله عز وجل. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الأعراف. Que lorsque Iblis a juré à Adam et à Hawa qu'il était pour eux un conseiller pour leur faire manger de l'arbre interdit, pour leur faire désobéir à Allah, il a dit quoi? Je suis pour vous. Là, il leur a juré, je suis pour vous un conseiller. Surat Al-A'raf, verset 21. Donc c'est lui le premier à avoir fait cela. ثم في السؤال الخامس وثلاثين وأربعمائة ألف مكسرة وثلاثين question. ما هي اليمين الغموس? Maintenant c'est quoi qu'on appelle اليمين الغموس? D'accord? Et en fait, l'auteur, je ne sais pas pourquoi il a cité, mais ce que je connais de l'Yamin al-Ghamous, c'est le fait de jurer par Allah mensongèrement, volontairement. Et elle s'appelle Ghamous qui a fait plonger celui qui l'a fait, celui qui dit cette quand je dis plus au féminin, c'est parce qu'en fait, en arabe, c'est en féminin. Quand même. C'est en féminin. Mais en fait, c'est le serment mensonger délibéré. Tu dis wallahi en mentant, en voulant prendre le bien de quelqu'un, donc ce serment te plonge en enfer. Il s'appelle Yamin al-Ghamous. Naam, wal a'udhu billah. Et comme l'a dit Ibn Mas'ud, par contre, je préfère jurer par Allah en mentant que jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Car jurer par autre qu'Allah, cela est du shirk, qui peut être mineur ou majeur, ça dépend de l'intention de la personne. Donc pire que cela, jurer par autre qu'Allah. Cela n'est pas permis et cela est du shirk. Wal a'udhu billah. فسنقفنا اليوم ونقول الحمد لله رب العالمين